Chapitre 65e, Pitou diplomate. Nous venons de voir comment Pitou était tombé du haut de ses espérances. La chute était profonde. Satan foudroyé n'avait pas mesuré plus d'espace en roulant du ciel aux enfers. Encore aux enfers, Satan était tombé roi, tandis que Pitou, foudroyé par l'abbé Fortier, était tout simplement redevenu Pitou. Comment se représenter maintenant devant ses mandataires? Comment, après leur avoir témoigné tant de confiance imprudente, oser leur dire que leur chef était un vantard, un fanfaron, qu'avec un casque sur l'oreille et avec un sabre au côté, se laissait donner par un vieil abbé des coups de martinet sur le derrière? S'être vanté de réussir près de l'abbé Fortier et échouer? Quelle faute! Pitou, sur le revers du premier fossé qu'il trouva, mit sa tête dans ses mains et réfléchit. Il avait espéré d'amadouer l'abbé Fortier en lui parlant grec et latin. Il s'était flatté, dans sa naïve bonhomie, de corrompre le cerbère avec le miel d'un gâteau de belles expressions, et voilà que son gâteau s'était trouvé amer. Voilà que Cerbère avait mordu la main sans avaler le gâteau. Voilà que tous ses plans étaient renversés. L'abbé Fortier avait donc un immense amour-propre. Pitou avait compté sans cet amour-propre, car ce qui avait exaspéré l'abbé Fortier était bien plus la faute de Français que Pitou avait trouvé dans la phrase que les 30 fusils qu'il avait voulu prendre dans son arsenal. Les jeunes gens, lorsqu'ils sont bons, commettent toujours cette faute de croire à la perfection chez autrui. L'abbé Fortier était donc un enragé royaliste et surtout un orgueilleux philologue. Pitou se reprochait amèrement d'avoir réveillé en lui, à propos de Louis XVI et du verbe être, la double colère dont il avait été victime. Il le connaissait, il eût dû le ménager. Là était réellement sa faute, et il la déplorait, trop tard, comme toujours. Restait à trouver ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû mettre son éloquence à prouver du royalisme à l'abbé Fortier et surtout à laisser passer inaperçu ses fautes de grammaire. Il aurait dû lui persuader que la garde nationale d'Aramon était contre-révolutionnaire. Il aurait dû lui promettre que cette armée serait l'armée auxiliaire du roi. Surtout ne pas dire un mot de ce malheureux verbe « être mis à un temps pour un autre ». Et nul doute alors que l'abbé n'eût ouvert ses trésors et ses arsenaux pour assurer à la monarchie le secours d'une troupe si vaillante et de son chef héroïque. Cette fausseté, c'était de la diplomatie. Pitou, après s'être bien consulté, repassa dans sa tête toutes les histoires d'autrefois. Il songea à Philippe de Macédoine, qui fit tant de faux serments et qu'on appelle un grand homme. À Brutus, qui contrefit la brute pour endormir ses ennemis et qu'on appelle un grand homme. À Thémistocle, qui passa sa vie à tromper ses concitoyens pour les servir et qu'on appelait aussi un grand homme. Par contre, il se rappela Aristide, lequel n'admettait pas les moyens justes et qu'on appelle aussi un grand homme. Cet argument l'embarrassa. Mais il trouva, en réfléchissant, qu'Aristide était bien heureux de vivre dans un temps où les Perses étaient si stupides qu'on put les vaincre avec de la bonne foi seulement. Puis, en réfléchissant encore, il songea qu'au bout du compte, Aristide avait été exilé. Et cet exil, tout injuste qu'il fût, fit pencher la balance en faveur de Philippe de Macédoine, de Brutus et de Thémistocle. Passant aux exemples modernes, Pitou se demanda comment M. Gilbert, comment M. Bailly, comment M. Lamette, comment M. Barnave, comment M. de Mirabeau eussent fait s'ils eussent été Pitou, et que le roi Louis XVI eût été l'abbé Fortier. Comment eût-on fait pour faire armer par le roi de 300 à 500 000 gardes nationaux en France? Précisément le contraire de ce que lui, Pitou, avait fait. On eût persuadé à Louis XVI que les Français ne désiraient en rien que de sauver et de conserver le père des Français, que pour le sauver efficacement, il fallait à ses frères de 300 à 500 000 fusils. Et assurément, M. de Mirabeau eût réussi. Pitou songeait aussi à la chanson proverbiale qui dit « Lorsqu'on veut quelque chose du diable, il faut l'appeler Monseigneur ». Il concluait de tout cela qu'il n'était lui, Ange Pitou, qu'une quadruple brute, et que pour retourner près de ses électeurs avec une sorte de gloire, il lui fallut faire précisément le contraire de ce qu'il avait fait. Fouillant alors dans ce nouveau filon, Pitou résolut d'obtenir par la ruse ou par la force les armes qu'il s'était promis d'avoir par la persuasion. Un moyen se présenta d'abord. C'était la ruse. On pouvait s'introduire dans le musée de l'abbé et dérober ou enlever les armes de l'arsenal. À l'aide de ses compagnons, Pitou opérerait le déménagement. Seul, il opérerait le vol. Le vol. Voilà un mot qui sonnait mal aux oreilles honnêtes de Pitou. Quant au déménagement, nul doute qu'il n'eût en France encore assez de gens habitués aux anciennes lois pour l'appeler un brigandage ou un vol à main armée. Toutes ces considérations firent reculer Pitou devant les deux moyens que nous venons de citer. D'ailleurs, l'amour-propre de Pitou était engagé, et pour que cet amour-propre se tirât honorablement d'affaire, Pitou ne devait recourir à personne. Il se remit à chercher, non sans une certaine admiration pour la nouvelle direction que prenaient les spéculations de son esprit. Enfin, comme Archimède, il s'écria « Eureka !» Ce qui veut dire, en simple français, « Je l'ai trouvé !» En effet, voici le moyen que Pitou venait de trouver dans son arsenal à lui-même. Monsieur de Lafayette était le commandant général des gardes nationales de France. Aramon était en France. Aramon avait une garde nationale. Donc, Monsieur de Lafayette était commandant général des gardes nationales d'Aramon. Monsieur de Lafayette ne devait donc pas tolérer que les miliciens d'Aramon manquassent d'armes, puisque les miliciens des autres pays étaient armés ou allaient l'être. Pour arriver à Monsieur de Lafayette, Gilbert, Billot. Pitou écrivit une lettre à Billot. Comme Billot ne savait pas lire, c'est Monsieur Gilbert qui lirait, et naturellement, le second intermédiaire se trouverait atteint. Ceci arrêté, Pitou attendit la nuit, rentra mystérieusement à Aramon et prit la plume. Cependant, quelques précautions qu'il eut prises pour entrer incognito, il avait été vu par Cloutelier et par Désiré Maniquet. Il frappèrent à sa porte comme il achevait sa lettre et comme il venait de l'enfermer dans un grand carré de papier blanc avec grand renfort de pain à cacheter. Pitou mit un doigt sur ses lèvres et en étendit un autre vers la lettre cachetée. Ce mystère en imposa à Cloutelier et à Désiré Maniquet. Ils se retirèrent en silence et mystérieusement un doigt sur la bouche, les yeux sur la lettre. Pitou nageait en plein courant de politique pratique. Maintenant, voici la lettre qui était enfermée dans ce carré de papier blanc qui avait produit un si grand effet sur Claude et sur Désiré. Cher et honoré Monsieur Billot, la cause de la Révolution gagne tous les jours dans notre pays. Les aristocrates perdent du terrain, les patriotes avancent. La commune d'Aramon s'enrôle dans le service actif de la garde nationale, mais elle n'a pas d'armes. Il y a un moyen de s'en procurer. Certains particuliers retiennent des quantités d'armes de guerre qui pourraient économiser au trésor public de grandes dépenses si elles passaient au service de la nation. Plaise à M. le général de Lafayette faire ordonner que ces dépôts illégaux d'armes de guerre soient mis à la disposition des communes proportionnellement au nombre des hommes armés, et je me charge, pour ma part, de faire entrer 30 fusils au moins dans les arsenaux d'Aramon. C'est le seul moyen d'opposer une digue aux menées contre-révolutionnaires des aristocrates et des ennemis de la nation. Votre concitoyen et bien humble serviteur, Ange Pitou. » Quand il eut écrit ce factum, Pitou s'aperçut qu'il avait oublié de parler au fermier de sa maison et de sa famille. Il le traitait trop en Brutus. D'un autre côté, donner des détails à Billot sur Catherine, c'était s'exposer à mentir ou à déchirer le cœur d'un père. C'était aussi rouvrir des plaies saignantes dans l'âme de Pitou. Pitou étouffa un soupir et mit en post-scriptum « P.S. Madame Billot et Mademoiselle Catherine et toute la maison se portent bien et se rappellent le souvenir de Monsieur Billot. » De cette façon, Pitou ne compromettait ni lui ni personne. Montrant aux initiés l'enveloppe blanche qui allait partir pour Paris, le commandant des forces d'Aramon se contenta, comme nous l'avons raconté, de leur dire « Voici !» et il alla jeter sa lettre dans la boîte. La réponse ne se fit pas attendre. Le surlendemain, un express arriva dans Aramon à cheval et demanda à M. Ange Pitou. Grande était la rumeur, grande l'attente et l'anxiété des miliciens. Le courrier montait un cheval blanc d'écume. Il portait l'uniforme de l'état-major de la garde nationale parisienne. Qu'on juge de l'effet qu'il produisit. Qu'on juge aussi du trouble et du battement de cœur de Pitou. Il s'approcha, tremblant, pâle, et prit le paquet que lui tendit, non sans sourire, l'officier chargé du message. C'était une réponse de M. Billot par la main de Gilbert. Billot recommandait à Pitou la modération dans le patriotisme, et il envoyait l'ordre du général Lafayette, contresigné par le ministre de la Guerre, pour armer la garde nationale d'Aramon. Il profitait du départ d'un officier chargé d'armée, au nom du général Lafayette, la garde nationale de Soissons et de Laon. Cet ordre était ainsi conçu. Seront tenus, ceux qui possèdent plus d'un fusil et d'un sabre, de mettre leurs autres armes à la disposition des chefs de corps de chaque commune. La présente mesure est exécutoire dans toute l'étendue de la province. Pitou, rouge de joie, remercia l'officier qui sourit de nouveau et repartit immédiatement pour le relais suivant. Ainsi Pitou se voyait au comble des honneurs. Il recevait directement des messages du général Lafayette et des ministres. Et ces messages venaient servir complaisamment les plans et les ambitions de Pitou. Dépeindre l'effet de cette visite sur les électeurs de Pitou serait un travail impossible. Nous déclarons y renoncer. Seulement, à voir ses visages émus, ses yeux brillants, cet empressement de la population, à voir ce profond respect que tout le monde prit immédiatement pour Ange Pitou, le plus incrédule observateur, se fut convaincu que désormais notre héros allait être un grand personnage. Les électeurs, l'un après l'autre, demandèrent à voir et à toucher le cachet du ministère, ce que leur octroya Pitou très gracieusement. Et quand le nombre des assistants se fut réduit aux seuls initiés, « Citoyens, dit Pitou, mes plans ont réussi comme je l'avais prévu. J'ai écrit au général Lafayette le désir que vous avez de vous constituer en garde nationale et le choix que vous avez fait de moi pour vous commander. Lisez la suscription de la lettre qui m'arrive du ministère. » Et il présenta la dépêche sur l'adresse de laquelle on put lire « Au sieur Ange Pitou, commandant de la garde nationale d'Aramon. » « Je suis donc, continua Pitou, reconnu et agréé par le général Lafayette comme commandant de la garde nationale. Vous êtes donc reconnu et agréé comme garde nationaux par le général Lafayette et le ministre de la guerre. » Un long cri de joie et d'admiration ébranla les murs du Galta qu'habitait Pitou. « Quant aux armes, continua notre homme, le moyen de les avoir, je l'ai. Vous allez promptement vous nommer un lieutenant et un sergent. Ces deux autorités m'accompagneront dans la démarche que j'ai à faire. » Les assistants se regardèrent incertains. « Ton avis, Pitou ? » dit Maniquet. « Cela ne me regarde pas, » fit Pitou avec une certaine dignité. « Il faut que les élections ne soient pas influencées. Réunissez-vous hors ma présence, nommez-vous les deux chefs que j'ai désignés, mais nommez-les solides. » Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Allez !» Sur ce mot prononcé royalement, Pitou congédia ses soldats et demeura seul enveloppé dans sa grandeur ainsi qu'Agamemnon. Il s'absorba dans sa gloire, tandis que les électeurs se disputaient au dehors une bribe de la puissance militaire qui devait régir Aramon. L'élection dura une heure. Le lieutenant et le sergent furent nommés. Ce furent le sergent, Claude Tellier, et le lieutenant, Désiré Maniquet. Alors, on revint trouver Ange Pitou, qui les reconnut et les acclama. Puis, ce travail terminé, « Maintenant, messieurs, pas un moment à perdre. »« Oui, oui, apprenons l'exercice, » fit un des plus enthousiastes. « Une minute, » répliqua Pitou, « avant l'exercice, ayons d'abord les fusils. »« C'est trop juste, » firent les chefs. « En attendant les fusils, ne peut-on étudier avec des bâtons ?»« Faisons les choses militairement, » répondit Pitou, qui, voyant l'ardeur générale, ne se sentait pas assez fort pour donner des leçons d'un art auquel il ne comprenait encore rien. Les soldats qui apprennent l'exercice à feu avec des bâtons, c'est grotesque. Ne commençons pas par être ridicules. C'est juste, fut-il répondu, les fusils. Venez donc avec moi, lieutenant et sergent, dit-il à ses inférieurs. Vous autres, attendez notre retour. Un acquiescement respectueux fut la réponse de la troupe. Il nous reste 6 heures de jour. C'est plus qu'il en faut pour aller à Villers-Cotterêts faire notre affaire et revenir. « En avant, marche !» cria Pitou. L'état-major de l'armée d'Aramon se mit en route aussitôt. Mais quand Pitou relut la lettre de Billot, pour se bien persuader que Tendeur n'était pas un rêve, il y trouva cette phrase de Gilbert qui lui avait échappé. « Pourquoi Pitou a-t-il oublié de donner à M. le docteur Gilbert des nouvelles de Sébastien ? Pourquoi Sébastien n'écrit-il pas à son père ?